Allô Léo? Léo, est-ce que tu m'entends? Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Parfait. Salut Léo. Ok, Bienvenue salut. dans ce septième live. Merci. Ça va? Ça va très bien. Super. Eh bien, alors, je vais commencer l'introduction le temps que nos auditeurs nous rejoignent. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Vous, de votre côté, chers auditeurs, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Et si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Et donc ce soir, je suis ravie car je reçois un homme pour la deuxième fois. Et je suis d'autant plus contente que c'est pour parler d'un sujet qui a longtemps été réservé aux femmes, l'épilation. Donc merci beaucoup Léo d'être là. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ah, on a un petit commentaire de mon premier invité homme qui est Ah, j'ai Alexandre. remarqué que la présentatrice a changé de coupe de cheveux. Bien vu Alexandre, j'espère que tu trouves que ça me va bien, que ça va bien à mon avatar. Merci à tous nos auditeurs présents d'avoir accepté ce rendez-vous. Et donc, sachez d'ailleurs que c'est Léo qui m'a fait ce joli logo de Beauté Imaginée. On peut dire que c'est un logo à la fois moderne et mystérieux si vous me suivez sur Instagram. Merci à nouveau Léo pour ce joli logo. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu te qualifierais aussi comme ça, de moderne et mystérieux comme ce logo que tu m'as fait? Pourquoi pas? Ce serait ces deux compliments. Je veux bien les prendre, mais Ça bon, je ne sais pas si ça te plaît colle. plutôt comme description. Mais si c'était vrai, pourquoi pas? J'aimerais bien les avoir. Ok, bon, je pense, on demandera à nos auditeurs s'ils ont trouvé ça, en tout cas au son de ta voix, etc. Et en tout cas, dans cette deuxième partie, dans la deuxième partie de cette émission, on va faire un vrai faux. Et du coup, sur le thème de la barbe, est-ce que toi, c'est un thème que tu maîtrises? Tu vises quelle note sur 6? C'est quoi ton objectif? Sur 6, la barbe, Ouais. Ça je sera, il y aura six dirais. questions de vrai faux. Alors, je dirais 3 par expérience, mais peut-être 1 en connaissance. D'accord. Ok. Ah oui, pardon, j'ai pas été très claire. Là, tu notes ta. D'accord. Au niveau de ton expérience de l'entretien de la barbe, tu te dis Oui, je 3 pense sur que 6 oui, il y a un et peu 1 sur d'expérience 6. parce que je l'ai vécu, mais je ne suis pas sûr d'avoir Oui. des bonnes connaissances sur le Toutes sujet quand les. même. D'accord. Donc là, comme il y aura six questions de vrai faux, c'est vrai que tu ne sais pas quelles seront les dimensions abordées, mais tu vises la moyenne, quoi, Je vise d'avoir. la moyenne, oui, je vise la moyenne. J'espère que tu vas apprendre quelques trucs D'accord. quand même, donc j'espère ne pas avoir tout bon. Oui, tu as raison. Oui, vu comme ça. Alors, c'est parti pour notre première rubrique. On va s'intéresser à tes habitudes de beauté. D'abord, comment tu prends soin de ta peau, toi, en général, Léo? Bah, pour éviter d'avoir des boutons d'acné, j'avoue que je fais pas grand-chose, mais quand même, la base minimum, c'est juste de me lave le visage avec du savon matin et soir, du moins si je ne coupe pas. D'accord. Et ensuite, je mets une crème hydratante pour peau mixte, c'est genre sur les joues, ça reste assez sec, mais pour la zone. Alors, soit c'est la zone T, Médiane. c'est gras, c'est Ouais. un peu comme ça. Il me semble que Oui, c'est. d'accord. Oui, en effet, peau mixte, à la zone médiane, front, nez, plutôt, enfin, qui aurait plutôt tendance à briller, etc. Et tu la trouves plutôt sèche, par contre, sur les joues ou Exactement, c'est déshydratée. exactement ça, oui. Parce que l'une ou l'autre, si c'est pour peau sèche ou pour peau grasse, il n'y a rien qui marche. Donc je crois que c'était le milieu. Mais Ah. pour l'instant, ça fonctionne. Ah ouais, d'accord. Ouais. Sachant que de toute façon, il faut toujours hydrater sa peau et toutes les crèmes aident à hydrater. Donc, c'est très bien d'utiliser une crème, du coup, au moins tous les jours. D'accord. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, toi, au niveau de ta barbe, qu'est-ce que tu aimes bien avec ta barbe et qu'est-ce qui, à l'inverse, peut t'agacer avec elle? Alors, pendant longtemps, j'ai eu des poils, j'ai pas su comment les enlever parce que j'ai pas envie d'avoir une barbe parce qu'elle n'est pas assez complète. Je trouve que D'accord. enfin, c'est mon goût, hein, mais je trouve que c'est pas très joli quand Ouais, la ouais. barbe elle est pas assez complète. Généralement, on fait en sorte D'accord. de se raser souvent pour essayer de l'avoir la plus fournie possible. Et donc, j'ai tenté Mmh. l'inverse, ne rien avoir, et j'essaye D'accord. d'éviter le maximum les poils. D'accord. Ok. Donc, oui, du coup, là, ton but, c'est à terme d'avoir le moins de poils possible au final? Alors, le but, oui, le but pour l'instant, en tout cas, c'est ça, mais je ne veux pas faire, par exemple, une épilation définitive parce que peut-être plus tard, dans 5 ans, j'en sais rien, j'aimerais Oui. avoir une barbe. Ouais, je vois, tu te fermes pas la porte. Donc du C'est ça. coup, comment tu l'entretiens? Alors, comment je l'entretiens? En les coupant, et c'est via le rasage. D'accord. C'est l'option la plus facile et la plus accessible un peu au quotidien. Il n'y a rien besoin de Ouais. prévoir, c'est assez pratique. Et de Ouais. temps en temps, on arrive à essayer de faire une épilation. D'accord, ok. Alors, du coup, c'est en effet notre thème. C'est assez courageux de s'épiler une aussi grande zone sur le visage. Et est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois que tu t'es épilé la barbe? Alors, je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Hein. C'est parce que D'accord. j'ai des amis qui, à force de me voir avec des poils qui ressemblaient plus à des cheveux qu'à des poils, ont essayé de me proposer de m'épiler. Et je crois qu'à Ouais. force d'insistance, j'ai dû accepter. Je ne me souviens plus exactement de la première fois, mais D'accord. ça faisait quand même un peu mal. Mais Ouais. j'étais assez surpris Ça faisait moins mal que je le pensais. Ça reste douloureux, mais c'est douloureux Oui. supportable. D'accord. Et quelle technique du coup tu avais utilisée? Cire froide, des bandes de cire froide. On a mis du temps à essayer de trouver celles qui accrochaient le plus, parce que les poils de barbe sont un peu les D'accord. plus durs et donc les plus Ouais. difficiles à attraper, mais ouais, ça a fonctionné. Et du coup, tu dis on parce que c'est pas toi qui l'as fait directement, tu as eu Non, quelqu'un pour t'aider. je serais incapable de le faire tout seul. J'ai une grande aide d'une amie. D'accord. Je crois que cet ami nous écoute d'ailleurs, si je ne Bah, m'abuse. Donc, j'espère beaucoup. J'essaie de voir un moyen de le faire sans qu'il soit. si cette esthéticienne privée veut nous raconter comment elle s'en est sortie la première fois et si elle a été inquiète de peut-être te brûler ou que sais-je. C'est avec plaisir. Alors, on a quelques réactions. Alexandre, déjà. Ah oui, t'as des amis un peu relous du coup. Insistant, insistant c'est le mot. Insistant c'est très bien. Moi, ça Juliette? m'intéresse. J'aimerais bien savoir quelles sont les bandes que tu trouves les mieux, du coup. Parce que moi aussi, si je mets des bandes sur les jambes, parfois, il n'y a rien qui part. Mais justement, D'accord. on a mis beaucoup de temps à les trouver parce qu'il y a des bandes de cire froide qui sont faites pour le visage, mais c'est souvent plutôt pour le visage féminin, donc c'est plutôt un duvet que des vrais poils. Donc on a réussi à trouver celles qui étaient les plus agressives pour les jambes, où les poils pourraient être les plus Ah. durs pour les femmes, et du coup qui ont un peu plus marché pour la barbe. D'accord, en fait la cire froide adaptée au visage n'était pas efficace pour Bah, tes poils peut-être un peu. c'est plus pour un duvet, je crois, en tout cas. D'accord, parce que tu avais déjà rasé avant cette première épilation de la barbe. Exactement, plusieurs fois. Donc les poils n'étaient D'accord, pas donc tout doux, ils étaient assez etc. résistants, assez drus. Alors, Exactement. Mathilde, Elle est super sympa, excuse-moi. cette amie, hein. Ah ouais. Ouais, très Du très coup, grande sympa. surprise, c'est moi. La première fois, c'est vrai que je pense que c'était bien raté parce que on savait pas comment s'y prendre, on savait pas quelle taille faire. Moi, j'avais peur de lui faire mal. Ah Et bah ouais. du coup, c'était. Ça porte vachement à confusion ce que je dis, je viens de capter. Mais C'est c'était pas vrai. facile de trouver le sens des poils et tout ça. Mais plus ça va, plus on progresse. D'accord. Tu confirmes que Mathilde progresse ou Oui, Mathilde progresse énormément. Je pense que j'ai été son cobaye préféré, en tout cas j'espère. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'était un combat un peu long quand même d'arriver à trouver Ah oui. dans quel point, dans quel. Parce que la barbe, elle pousse pas de façon uniforme, mais les poils poussent dans un sens, puis une autre partie dans l'autre, et c'est un peu compliqué. Mais à force, on a réussi un Ouais. peu. Bah oui, bah oui. On a Fun Mystère. Merci Fun Mystère de Et est-ce participer. que tu as déjà eu des poils incarnés ou pas quand tu t'es épilé la barbe? Ah, sur le visage, c'est vrai que ça serait Alors, j'ai pénible. dû en avoir peut-être en tout sur un an d'épilation, à raison de peut-être une épilation par mois en moyenne quand même. Ouais. Peut-être 3-4 fois maximum un poil incarné, enfin vraiment. Alors, à chaque fois, bien dur à s'en aller, mais Ah oui, ok. pour le coup, c'était. Enfin, non, rien de très prenant. D'accord. Ouais, c'est J'aurais heureusement pu en cette avoir en zone n'est pas rasant. propice. Comment? J'aurais pu en avoir en me rasant. Je sais pas vraiment lié à Ah l'épilation. oui, d'accord. Ah oui, ok, je vois. Fun Parce que mystère j'aimerais bien encore. m'épiler la barbe aussi. Ah, fan mystère, si tu vois son avatar a choisi une barbe très fournie, en effet, oui. C'est vrai que là, il y aura du boulot. Peut-être que Mathilde va te se Oui, c'était proposer. pas facile et je pense qu'on va progresser en essayant peut-être bientôt la cire chaude pour les zones Ah. comme le menton. D'accord, ça peut être une piste à poursuivre. Parce que qu'est-ce qui est gênant là finalement avec, enfin quels sont les risques entre guillemets, enfin quand est-ce que tu es pas content du résultat? Pour l'épilation, ou qu'est-ce qui m'a Ouais, fait arrêter là la pour machine? l'épilation de la barbe là quand tu te fais épiler la barbe, qu'est-ce qui peut faire que ça s'est mal passé entre guillemets? Alors, le seul truc, c'est les possibles brûlures du visage. Alors, quand je dis brûlure, hein, c'est, enfin, faut pas vraiment s'inquiéter, hein, il n'y a rien de très grave. Ça fait des espèces de petits d'assèchements de peau à des endroits. Ça se voit un peu, ça fait un peu plus rouge. Ça met Ouais. 2-3 jours à partir avec un peu de biafine. Honnêtement, ça se. Mais je trouve que même ce risque-là vaut le coup. Parce qu'après, il y a quand même 8 D'accord. jours en tout où je n'ai aucun poil et la peau est À complètement huit imberbe. jours. Donc au maximum, j'ai 2-3 jours avec quelques petites taches sur le visage qui finissent par partir. C'est quand même un inconvénient. D'accord. Mais sur le long, ça vaut quand même le coup. Et ça se joue. Des fois, au départ, quand on a eu du mal à prendre le coup de comment bien enlever la bande à certains endroits, et au Ouais. fond, ça reste plus de la nature de la peau. Par exemple, il y a des endroits comme le menton, hein, comme vient de le dire, c'est un peu plus difficile. Ça marque plus. D'accord. Est-ce que en général, tu essayes de bien hydrater ta peau les jours d'avant ou tu vois, pour être sûr de ne pas avoir la peau sèche parallèlement? Alors ça, non, jamais. J'avoue que je fais pas de, je me prépare pas spécialement, à part laisser pousser. Voilà, c'est peut-être pas une bonne chose. Juste avant, on essaye de bien nettoyer le visage pour éviter que ça soit, pour éviter la formation de, je pense, de poils incarnés ou que ce soit pas hygiénique ou j'en sais rien. Et ça, pour Oui, l'instant, on c'est met plus. vrai. D'accord, oui, bonne idée, c'est vrai. C'est en effet un béaba, on peut dire. Mais alors peut-être que ça peut être une piste pour éviter les brûlures de bien hydrater les jours d'avant, éventuellement. Si la zone est un peu sèche déjà, elle peut être encore plus irritée par l'épilation, pourquoi pas. Je prends le conseil, je prends le conseil. Tu nous diras si c'est un bon ou pas. Chers auditeurs, hommes éventuellement, si vous avez déjà eu le courage de tenter l'épilation, dites-nous, racontez-nous. Et mesdames, est-ce que vos conjoints ont déjà essayé de s'épiler la barbe ou d'autres zones? Racontez-nous aussi. Et donc, tu disais, tu es tranquille en général un mois une fois que tu t'es épilé la barbe? Alors, non, l'épilation, elle dure que 8 jours maximum de où je suis imberbe. Et après, ça reprend son cours comme si je m'étais rasé. Les poils Ah, reprennent. d'accord. Voilà, le temps est quand même plutôt court. Ouais. Mais ça a l'avantage par rapport au rasage que ah, là, j'en suis à un stade où mes poils repoussent au bout de 4 heures à peu près après m'être rasé. Alors que l'épilation, vraiment, pour le coup, D'accord. pendant 8 Ah jours, il bah n'y a oui. rien, rien, rien du tout. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà essayé de pas raser entre deux épilations ou c'est pas assez esthétique, tu es obligé de repasser par le rasage? Ça a dû m'arriver, mais ça m'arrive rarement parce que le problème avec l'épilation, c'est qu'il faut accepter que Un pendant minimum. une semaine avant Ouais. l'épilation, je laisse pousser les poils et donc Oui. que pendant une semaine, je sois moche entre guillemets. Ouais, t'aimes pas cette. Parce Ouais. que j'aime pas ça, T'aimes pas voilà. le Parce qu'a rendu. priori, j'aime pas le rendu, mais. Ouais, bah ouais, je vois. Ouais, c'est le grand dilemme de l'épilation. Et du coup, tu fais plutôt ça avant des événements ou c'est un entretien de fond que tu fais pour peut-être affiner tes poils de barbe petit Non, à pour le petit? coup, ça, enfin, les poils même en général, rasage ou épilation, je Ouais. laisse pousser a priori quand je vois personne ou c'est des choses. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, comme les femmes par rapport aux jambes, elles le font le moins possible tant qu'elles ne se retrouvent pas à les exposer. Et ben, pas la même chose pour la barbe, j'en prends le moins soin quand je vois le moins de gens possible. Mais c'est Ouais. vrai que quand il m'arrive de sortir ou d'aller à l'école ou de voir des gens, ben, je fais un peu plus attention et j'essaye de mettre l'épilation juste avant. Ouais, je vois. D'accord. Alors, on va entendre nos réactions de Mathilde et Azadès. Oui, je suis d'accord. Bonne idée de faire un gommage avant et d'hydrater. On l'a rarement, Ouais. enfin, tu l'as rarement fait. Ouais, alors du coup, le gommage, faudrait le faire minimum, je dirais, 72 heures avant. Enfin, surtout pas la veille, en tout cas, parce que là, ça va plutôt fragiliser. Et après, pourquoi pas un bon masque nourrissant même et ouais, de la crème hydratante matin et soir, les 2 jours d'avant. Enfin, on sait jamais. Salut AZS, tout le merci de nous rejoindre. monde. Bah moi c'est AZS. Effectivement, j'essaie de Enchantée. m'épiler. Alors je vais chez l'esthéticienne pour le cou, pour le dos. Et D'accord. les promesses qu'on m'a faites sur l'épilation ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Ah. Ah, comme ça, vous savez tout. À la base, j'avais une petite surface et au final, bah, ça s'est agrandi. Eh Ah. oui, merci l'esthéticienne. Et j'en ai fait plusieurs. En plus, j'ai une mauvaise réaction à l'épilation, donc oh là là. Donc, je vais me rabattre sur le laser. Ah, c'est ce que j'allais te Voilà, je demander. crois que c'est cher, mais bon, il y a un moment donné, quand on n'en veut plus, on fait tout pour s'en débarrasser. Voilà, petite expérience que je vous partage. Je laisse ça là, c'est sympathique. Ça fait Ouais. plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, AZS, de cette expérience. Bah, fâcheuse, du coup, pour le coup. Mais c'est vrai que le laser peut peut-être être une solution. Je vais en parler d'ailleurs de l'épilation laser. Si tu écoutes tout à l'heure les 3 belles minutes scientifiques, ce sera le thème. Toi, du coup, Léo, tu disais c'est pas ton objectif pour te laisser cette marge de manœuvre-là de pouvoir changer par la suite. Est-ce que sinon, tu as déjà épilé d'autres parties du corps à part la barbe? Non, on a essayé un peu pour rigoler les orteils, D'accord. mais non, c'était fin, on n'a jamais refait. Et non, sinon j'ai jamais épilé une autre partie du corps. Non, jamais. D'accord. Et le dos, par exemple, tu c'est pas une zone. Enfin, t'as peut-être pas juste pas besoin, quoi. Non, pour l'instant j'ai assez peu de poils, mais je recommande à ceux qui auraient besoin. Je sais Ouais, que j'ai tu des trouves amis que très c'est. insistants envers d'autres amis pour qu'ils essayent. Je fais des tests. Décidément, c'est un vrai sujet chez vous, les poils à éradiquer. Alors, que veut nous dire Juliette? J'ai une question. J'ai déjà lu quelque part qu'il fallait aussi utiliser un gommage après l'épilation, mais je trouvais ça bizarre. Alors, non, en général, c'est vrai qu'il faut plutôt pas le faire juste après parce que la peau a été assez fragilisée. Donc, non, il vaut mieux attendre, au contraire. Je dirais 48 heures, mais il faudrait que je vérifie. Et il faut pas l'avoir fait le jour même non plus, ni la veille. Donc, voilà. En général, on conseille de faire les gommages une fois, 1 à 2 fois par semaine. Donc, il faut essayer de jongler avec ça. Par Mathilde? contre, tu as épilé entre les deux sourcils et les sourcils d'ailleurs en général. Enfin, vite fait. Mathilde, c'est tout. Tout de tes poils. Donc, Oui, c'est vrai, ouais, tu as. j'avais un peu. Oui, pour moi, ça faisait partie du visage. C'est vrai que j'ai carrément zappé. Entre Ah les bah deux, oui. c'est vrai que c'est assez utile. Ça a tendance à se fournir et on veut tout faire pour éviter le monofourcil quand même. Et oui, sur les côtés, on n'essaie pas de faire un truc plus précis possible, mais c'est vrai que ça a marché. D'accord. Il y a Fan Mystère qui veut Je sais pas intervenir si la question également. a déjà été posée, mais est-ce que tu as déjà essayé de t'épiler tout seul ou pas? Ou tu demandes toujours à Ah. quelqu'un de le faire? Alors, Es-tu autonome? épisode fâcheux Comment? celui-là. J'ai essayé seul, ça s'est soldé par Ah, éclater de d'accord. flèche. Je ne me suis jamais autant brûlé, il me semble. Ah ouais. ouais. Mais je pense que c'est parce que, bon, je pense ne pas avoir la technique, hein, mais ça prend dans tous les cas. Mais c'est Ouais. plus agréable de le faire par quelqu'un qui. Enfin, en tout cas, mon ami qui a réussi, qui me fait l'épilation régulièrement, je pense qu'il connaît mieux ma barbe que moi, donc je lui fais D'accord. confiance. Et puis peut-être que tu hésitais de. Enfin, tu mettais du temps à tirer et que du coup tu le faisais en para-coup ou quelque chose comme ça? Ou t'arrivais à tirer d'un coup? J'arrivais à tirer d'un coup, mais je crois avoir insisté genre deux, trois fois par endroit parce que ça partait pas totalement. Et là-dessus, je crois que la leçon qu'on a retenue aussi d'épilation, c'est qu'il faut lui laisser le temps entre les fois où ça fait mal. Parce que si on Ah ouais. réinsiste deux, trois fois, on accélère le risque de brûlure. C'est brûlé. Ouais. Si ça fait mal, c'est que c'est déjà irrité, donc il ne faut pas repasser. Ah ouais, ça se tient. Fan mystère à nouveau. Alors, je ne sais pas si mon message s'est déjà envoyé, mais est-ce que tu as déjà essayé de t'épiler tout seul? Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question ou pas, mais voilà. Ouais, merci. Merci de ta participation. Oh, on a bien, bien répondu. J'espère que la réponse de Léo t'a satisfait. Donc du coup, les pires ratés sur ta barbe, ce serait cette fois où tu as tenté par toi-même. Hein, on est d'accord? Oui, exactement. Et du coup, niveau budget, c'est quoi le plus intéressant selon toi? Est-ce que tu as vu une différence ou Alors, tu as remarqué quelque chose? les budgets sont assez équivalents à partir du moment où l'épilation, on l'a fait à la maison. Parce que Ouais. voilà, je ne connais pas les prix d'une épilation chez l'esthéticienne. C'est sûrement beaucoup, beaucoup plus cher. Ce que ça nous revient en soi, même. En vérité, l'épilation à la cire froide fait maison, elle est beaucoup moins chère en vérité. Parce que les packs sont à 8 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de D'accord. bandes et ça dure pour beaucoup, beaucoup de fois. Là où le D'accord. rasage, ce qu'on a tendance à un peu oublier, et on en avait parlé, c'est le fait que les recharges de rasage, ça coûte assez cher en vérité. Et on peut très bien arriver. Les packs de 4, il me semble que c'est à 16 Ah euros. oui. Donc Ah ouais, pour d'accord. chaque. Selon la marque, ah ouais. Exactement. Et donc, on finit par un peu comme les imprimantes. Ça coûte très peu cher, mais c'est les recharges d'encre Oui. qui coûtent super Ouais, cher. tout Et à ben, c'est fait. un Il faut peu la même toujours chose vérifier. pour le rasage. Et ça coûte un peu cher. D'accord. Ouais. Mais bon, de toute façon, comme tu disais, en épilant, tu es quand même obligé de raser aussi. Ça ne serait pas une solution pour payer moins finalement de s'épiler. Non, non, non, Puisque. il n'y a aucune raison de prix, c'est juste de l'esthétique. Oui, je vois. D'accord. Alors, je Alexandre? crois que Fan Mystère a des petits soucis niveau Alzheimer. Si jamais je connais un neurologue qui pourrait te traiter. Oh, eh ben, que de compassion. Alors, du coup, merci pour toutes ces infos sur ta routine entretien de la barbe. Maintenant, nous allons passer dans Beauté imaginée à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, donc vous le savez, c'est le principe de Beauté imaginée de deviner quelques infos sur notre belle invitée. En l'occurrence, Léo, est-ce que vous avez une idée par rapport à certains indices, à sa voix, etc., de son âge. Léo ne dévoile pas pour le moment. On va voir si tu as inspiré, si ta voix On verra, je pense avoir fait donné son quelques âge. indices. Oui, c'est possible. Il y a eu un mot Oui, notamment qui moi peut. aussi. Je l'ai capté quand je l'ai dit. Ça peut Bah t'aider à me oui, donner bah une c'est idée d'âge quand comme même. ça. On teste l'écoute de nos auditeurs. Alors, Juliette. Je pense qu'il a la vingtaine parce que il a l'âge pour avoir de la barbe, mais il n'a pas une barbe très fournie apparemment. D'accord, la vingtaine. On va voir si quelqu'un d'autre se positionne. En général, toi, dans la vie, tu fais plutôt. On te dit que tu fais plutôt plus âgé ou. Ça dépend. Plutôt, Ouais. en vérité, quand j'étais un peu plus jeune, on me disait que je faisais plus vieux et maintenant on me dit que je fais plus jeune. D'accord. Et ah, peut-être que l'absence de barbe Joue y est beaucoup, pour oui. quelque chose. Oui, ça joue. Et c'est quelque chose qui te plaît de faire plus jeune? C'est pas quelque chose que je recherche. Enfin, c'est venu un avantage avec. Je le vais pas spécialement. Enfin, D'accord. je vais pas bien, je vais pas mal. C'est Oui, très bien comme c'est un ça. fait. D'accord. Alexandre, Moi, je que devines-tu? dirais, au-delà de la voix, par rapport à ce qu'il a dit, niveau de sa barbe, qu'elle n'est pas très fournie. Donc, généralement, la barbe commence à être vraiment fournie, enfin, est assez fournie à un âge assez mûr. Donc, je dirais assez jeune, 20-25 ans. D'accord, fourchette assez large pour Alexandre. Camille, merci de nous rejoindre, Camille. Moi, je pense qu'il doit avoir dans les 20 ans quelque chose dans le genre. Ah bah, on a vraiment un consensus. Alors, éclaire-nous, Léo. Alors, le consensus a carrément raison. J'ai 20 ans, tout Ah, pile. Et 20 tout pile. donc, les gens ont raison. Et puis, j'ai donné un indice en disant que j'allais à l'école. Et la barbe qui Oui. est fournie, c'est vrai que c'est aussi un bon indice. Bah oui, c'est vrai, c'était le mot-clé. Mais bon, après, il y en a qui retournent à l'école par la suite, mais c'est vrai que ça a pu aider. Et alors, une autre info à deviner, chers auditeurs, concernant Léo, ce serait le temps qu'il passe chaque jour en moyenne dans sa salle de bain. Qu'est-ce qu'il vous inspire, notre Léo, ce soir? Là, il n'y a pas eu. Si, il y a eu des petites infos, tu nous as parlé de ta routine beauté qui est. Tu en as une, et donc forcément ça prend un peu de temps tout ça. On va voir ce qui nous est proposé. Eh bah, merci beaucoup de votre Moi, ça participation en m'étonnerait tout pas cas. qu'il passe pas mal de temps pour un homme, entre guillemets. Du coup, pourquoi Ouais. pas 15-20 minutes? 15-20 minutes, Mathilde. Je dirais qu'il passe, vu qu'il a pas besoin de se raser, puisque je suis là, je dirais 20 minutes. 20 minutes, fan mystère. Ah, elle est marrante cette question. Moi, je dirais 10 minutes. 10 minutes, pas très long. Louis, Alors, il salut a l'air Louis. de prendre plutôt soin de lui, donc je dirais qu'il passe entre 20 et 30 minutes, je pense, dans la salle de bain. 20 et 30 minutes. Et Camille? Je dirais 20 minutes, 25 minutes, grand max. D'accord. Ah, on a de tout là. Enfin, on a une fourchette entre 10 et 30 minutes, si je ne me trompe pas. Alors, Léo, Alors, c'est éclaire-nous. quoi? Bah, encore une fois, c'est le milieu. C'est entre 15 et 20 minutes. Je vais plus D'accord. le faire dans la salle de bain. D'accord. Chaque jour, quoi, enfin, pour un jour classique où tu pour aller en cours, etc., quand tu dois te Oui, préparer. mais ça peut facilement. Je pense que c'est carrément possible que ça s'étende à 25, voire 30, si jamais je dois faire vraiment attention, je sors pour une occasion, j'en sais rien. En tout cas, il y a possibilité que ça s'étende. D'accord. Alors, hier, en recevant Maman Soso, on s'est posé la question, en fait, de la moyenne des Français, enfin, de temps passé par les Français dans la salle de bain, parce que, en général, jusqu'à présent, c'est toujours la même fourchette qui est donnée dans Beauté Imaginée. Figurez-vous que 60% des Français passent entre 15 et 30 minutes dans la salle de bain pour se préparer. Donc, c'est un peu les données qu'on a à chaque fois. Et près d'un homme sur quatre passe moins de 15 minutes. Tandis que pour 3 femmes sur 10, c'est carrément plus de 30 minutes. Voilà, c'est une étude de 2016. Juste pour info, donc tu es dans la moyenne niveau français, Léo. Ok, bah très bien. Dernière info à deviner sur toi, quelle serait la marque la plus présente dans ta salle de bain, donc dans tes produits cosmétiques? Est-ce que vous avez une idée, chers auditeurs, une marque que Léo utiliserait particulièrement, qui serait présente dans sa salle de bain. Et d'ailleurs, sur mon Instagram, pardon, Beauté Imaginée, je poste toujours une photo qui a été que l'invité a accepté de dévoiler. Et ce soir, on a pensé à donner une photo aussi de la salle de bain. Ça peut être rigolo d'imaginer la salle de bain que tu as. Alors, est-ce que, avant que je diffuse ta salle de bain. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis sur une marque qui serait très présente dans la salle de bain de Léo? Là, je crois que tu n'en as pas cité une seule, hein. Non, pour l'instant, pas. Non. Ouais, Je Mathilde. dirais la marque Gillette. Ah, d'accord. Je Direct dois marque répondre de. directement? Alors bah, là, je crois que les auditeurs sont frileux par rapport à cette question. Donc, vas-y. Je. Alors, Gillette, oui, enfin, en tout cas, c'est le cas pour les produits de rasage. Mais la marque que je dois le plus utiliser, c'est The Ordinary. Celle qu'on trouve, je pense. Beaucoup sur internet, et c'est pour les sérums pour l'usage, les crèmes hydratantes. Ça reste quand même très peu cher et c'est plutôt de bonne qualité. D'accord. C'est une gamme spécialement pour les hommes ou mixte? Non, c'est assez mixte. Bon, je crois que c'est même un produit qui est même beaucoup plus utilisé chez les femmes parce qu'ils ont une gamme un peu pour les cosmétiques et préparation de maquillage. Et donc voilà. Mais ils ont une gamme très D'accord. neutre et pour les produits de peau, etc. Le rapport qualité-prix est quand même pas mal. D'accord. Est-ce que maintenant tu pourrais un peu te présenter rapidement, peut-être ce que tu fais dans la vie, tes hobbies, pendant que je dévoile la photo de toi sur mon Instagram? Oui, très bien. Alors, donc, comme on l'a dit, j'ai 20 ans, je suis étudiant. Je suis étudiant en économie et en sciences politiques. Et D'accord. en hobby, j'ai pas grand-chose. En hobby, j'ai pas grand-chose. D'accord. Enfin, le cinéma et me faire épiler par des potes. Je pense que c'est les deux. Ça, bah, c'est qu'une fois par mois, donc c'est un peu triste. Et le cinéma en ce moment, il n'y en a pas. Donc, Bon, mais on fait ce qu'on d'accord. peut, du coup. Ouais, c'est clair. Oui, à la maison, à la maison. Très bien, bah, merci de toutes ces infos. Qu'est-ce que nous dit Mathilde? T'es étudiant en quelle année, Léo? Je suis étudiant en L3, je vais bientôt faire un master. D'accord. Non, je rigole pas du tout. Ok. Hein. Je suis en étudiant en L1. J'ai redoublé, D'accord. enfin, j'ai pas redoublé, j'ai eu 2 années. Je pense que c'est ce que l'auditrice avait envie d'entendre. Ouais, je pense aussi la vilaine. Oui, je sais. Et non, non, non, je dois la rassurer, je suis il y a 2 ans moins d'elle. Et non, je suis en L1, j'ai été avant à l'étranger dans une autre école. D'accord. Ouais. Que d'expériences toujours bénéfiques de toute façon. Et tu pourras ajouter cette superbe interview à ton Je CV, bien rajouterai ça au sûr. CV, bien sûr. Alors, nous passons à notre rubrique les 3 belles minutes scientifiques. Et donc, je vais parler de l'épilation au laser. Alors, déjà, si d'autres auditeurs veulent nous raconter une expérience de l'épilation laser. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion parmi nos 13 auditeurs ce soir de tester? N'hésitez pas à nous raconter si ça a été douloureux, efficace, combien de séances il vous a fallu. En tout cas, principe de l'épilation laser. Toi, tu connais un peu Léo? Oui, enfin, j'en ai entendu parler de nom pour le coup, mais je ne connais pas trop le principe. D'accord. Alors, en fait, il y a un appareil qui va envoyer un faisceau de lumière et ce faisceau de lumière face à un pigment marron va se changer en chaleur. Et c'est cette chaleur qui va détruire ensuite la base du poil, c'est-à-dire le bulbe qui lui est constitué de cellules qui ensuite créent le poil. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'atteindre le bulbe créateur du poil via ce faisceau lumineux. Petit rappel sur le système de croissance d'un poil, en fait, il pousse par cycle. À chaque cycle, il y a une longue période de croissance, suivie d'une brève phase de transition qui, là, consiste, enfin, le poil garde sa longueur maximale, entre guillemets. Puis ensuite, il y a une brève phase de repos. Et après cette phase-ci, le poil va tomber et un nouveau poil va recommencer à pousser dans le follicule, le bulbe, ce qu'on appelle le bulbe. Donc, l'épilation laser va détruire ce bulbe et en cas de poil foncé, en fait, le bulbe est pigmenté parce qu'il y a de la mélanine qui est présente dans tout le poil. Et le laser émet en fait une lumière assez particulière parce qu'elle n'a qu'une seule longueur d'onde qui du coup est monochromatique. Et cette longueur d'onde va correspondre en fait à la couleur marron du poil, va rencontrer et être absorbée par ces poils précisément de cette couleur-ci, les poils foncés. Et ça va aider du coup à détruire le fameux bulbe. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, les cellules quand même créatrices du poil vont se reconstituer par la suite. Il faut pour ça plusieurs séances en fait pour obtenir un résultat satisfaisant. Et théoriquement, on va avoir une pousse de moins en moins dense d'une fois sur l'autre. Et en fait, la cible du laser, on voit que ce n'est pas vraiment le bulbe, mais le pigment qui est dans le poil et dans le bulbe. Donc, il y a deux conséquences à ça. Déjà, c'est que les poils clairs ne vont pas être repérés par le laser. Et l'autre conséquence, c'est que du coup, si jamais on est bronzé, on a nos cellules qui vont, les mélanocytes qui vont produire de la mélanine à nouveau dans la peau cette fois-ci. Et là, le laser peut être un peu paumé et se faire absorber, la lumière va se faire absorber et donc va brûler des cellules de la peau. C'est en ça que ça peut être, enfin, que ça doit être bien fait parce qu'il y a ce risque de brûlure si on est bronzé. Donc, il ne faut pas bronzer avant une épilation au laser. Et sur le corps, il faut en général 5 à 6 séances et ensuite on va avoir une réduction de poils jusqu'à moins 80%, apparemment, c'est les chiffres. Donc il reste toujours une petite quantité de poils tout de même, mais qui vont être assez fins, donc peu visibles, donc c'est moins gênant. Par contre, sur le visage, ce qui est dommage, du coup, pour ton cas, par exemple, si tu étais intéressé par le côté imberbe complètement, c'est que au niveau du visage, il y a des anomalies hormonales en général qui font qu'il faut beaucoup plus de séances et qu'en plus, tous les 12-18 mois, il va falloir refaire une séance d'entretien pour pérenniser les effets, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut aussi être Ok, donc c'est sur le long terme. contraignant. C'est pardon? C'est sur le long terme. Si on fait Ouais. l'épilation définitive, c'est sur le long terme. Bah, c'est vrai que tu peux pas te contenter de plusieurs séances et ensuite être tranquille 10 ans. T'es, ouais, voilà, sur le long terme, tu es obligé de à peu près chaque année retourner pour que ce soit bien net. Et en fait, légalement, il faut savoir qu'un médecin est obligatoire, sa présence est obligatoire pour l'épilation laser. Théoriquement, son assistante ne peut pas le faire sans sa présence, mais j'ai déjà entendu que parfois ça se faisait quand même. Donc, il faut toujours la présence d'un médecin, en tout cas. Il y a une autre méthode, du coup, qui va là être adaptée à tout ce qui est poil clair. C'est l'épilation électrique, sauf qu'elle, elle va se faire poil par poil, et du coup, ça va être beaucoup plus long. Donc, c'est l'avantage du laser, c'est que c'est assez rapide, c'est des zones entières. Une autre technique encore dont on peut entendre parler, c'est l'épilation à la lumière pulsée. Et ça va être proposé dans certains instituts de beauté. C'est là un flash lumineux qui va se transformer en chaleur au contact de la mélanine du poil toujours et détruire le bulbe comme ça. Donc ça, c'est pas du tout encadré légalement, mais c'est proposé voilà dans certains établissements. Et du coup, C'est vrai que c'est bien de bien se renseigner via le bouche à oreille, etc., pour éviter d'éventuelles brûlures. C'est ça le risque majoritaire avec les épilations définitives. Alors, Juliette. Alors oui, moi j'ai déjà testé il y a quelques années l'épilation au laser des jambes, mais je suis pas allée jusqu'au bout parce que fallait que je commence au laser et que je termine au À mécanique. Et comme l'électrique. ça fait Ah mal, ouais. j'ai fait que au laser, mais j'ai vu une grosse différence, donc je conseille. Par contre, c'est cher. D'accord. Ah, et du coup, Juliette, quelle a été la douleur pour toi? Enfin, est-ce que, vu que tu dis que tu avais entendu que l'électrique mécanique, c'était plus. D'ailleurs, est-ce que je me. Oui, je dis électrique, ça se trouve, c'est mécanique le bon terme. Mince. En tout cas, le mécanique, ça fonctionne. L'épilation mécanique, tu as entendu que c'était plus douloureux. Donc, est-ce que tu as trouvé douloureuse l'épilation au laser? Dis-nous. Et Louis, petite intervention Alors, aussi. coucou, moi j'ai une question par rapport à justement l'épilation au laser. Je voulais savoir quelle était la différence entre l'épilation au laser et la lumière pulsée. Ah bah alors, peut-être que Louis, tu auras du coup entendu la différence. Ça va être un appareil différent et la lumière pulsée va être a priori un peu moins forte, étant donné qu'elle n'est pas encadrée légalement et qu'elle peut être réalisée, enfin utilisée par une esthéticienne et non par un médecin. Donc je pense que c'est au niveau de la longueur d'onde, etc., qu'il va y avoir une différence. Mais il y a tout de même un petit risque puisqu'on peut avoir des brûlures. Ma question aussi également, est-ce que c'est pas dangereux justement de faire de l'épilation soit en lumière pulsée, soit au laser sur le visage? Est-ce qu'il y a des risques? Alors, bon, je suis pas assez experte pour mettre ma main coupée, qu'il n'y a pas de risque. Maintenant, pour avoir déjà contacté une dermatologue spécialisée dans l'épilation laser, pour le coup, elle m'avait expliqué qu'il n'y avait aucune étude qui avait démontré un quelconque impact sur le long terme ou quoi de l'épilation laser. Et apparemment, ils font des congrès chaque année avec des spécialistes et voilà, de nouvelles études éventuelles. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de sujet négatif. Voilà, tu portes des lunettes pendant la séance pour protéger les yeux et ils en font vraiment des centaines, voire des milliers en France chaque année depuis maintenant pas mal d'années. Donc, je reconnais que c'est un sujet qui peut faire un peu, voilà, on peut être un peu inquiet éventuellement de se dire, ah, le visage, c'est sensible, etc. Côté médecin, apparemment, il n'y a aucun risque, voilà, si ce n'est le risque de brûlure pour la lumière pulsée, par exemple, si c'est mal fait, en fait. Et si tu es bronzé quand tu vas te faire épiler au laser, c'est le gros risque. Mathilde va intervenir J'aimerais bien aussi. faire un live sur l'épilation un jour. Oui, Mathilde, c'est prévu, c'est prévu. Tu avais proposé tout à fait. Avant que je dévoile trop d'infos, c'est ça, tu veux montrer ton expertise. Promis, Mathilde, on va organiser ça. Et nous avons AP, merci de nous rejoindre, AP. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez si l'épilation au laser, c'est plus ou moins douloureux que la lumière pulsée? Merci. Alors moi, d'après mes recherches, j'ai cru comprendre que c'était plutôt un peu plus douloureux que la lumière pulsée. Maintenant, il est proposé par les médecins d'appliquer de l'EMLA. C'est une pommade en fait qui va aider, enfin qui va insensibiliser la zone. Donc l'un dans l'autre, c'est qu'on peut s'en sortir sans trop de douleur, si je comprends bien. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé. Donc, mais au vu de l'intervention, par exemple, de Juliette, j'ai l'impression que le laser était plutôt supportable. Voilà, toujours pas intéressé par le laser, du coup, Léo? Non, enfin, en fait, je sais pas encore. En dessous les yeux, ce qui concerne pas vraiment la pousse de la barbe, mais la zone qui est vraiment juste en dessous les yeux, à mi-hauteur des joues, jusque au contour de l'œil, y a moyen. Il y a moyen. J'aimerais pas Ouais. avoir des poils qui arrivent jusqu'aux yeux. Donc peut-être, peut-être Ouais. possibilité. D'accord. Eh bien, maintenant, nous allons passer à notre rubrique vrai-faux pour tester tes connaissances, Léo, donc sur l'épilation masculine et la barbe. Du coup, chers auditeurs, n'hésitez pas à participer et à nous dire ce que. Enfin, à nous. Excusez-moi, à tenter votre chance en fait, à nous dire si vous pensez que la phrase, l'affirmation est vraie ou fausse. Alors, on commence. Léo, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Le marché mondial de la cosmétique masculine ne représente aujourd'hui que 10% du marché mondial de la beauté. C'est même un peu plus large que l'épilation, là, pour cette première question, pour rentrer dans le sujet de la beauté sous l'angle masculin. Est-ce que tu Est-ce penses que c'est que vrai ou faux? dedans on compte les cosmétiques ou pas? Exactement, c'est l'ensemble des cosmétiques, en fait. Le marché de la beauté, c'est au sens large, voilà, à la fois tout ce qui est épilation, rasage, mais aussi cosmétique, tout à fait. Je dirais vrai. Toi, tu penses que c'est vrai? Est-ce Oui, que très bien. quelqu'un, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? 10% du marché mondial de la beauté, ce qui voudrait dire qu'il y aurait à l'inverse. Et je sais que Alexandre, qui nous écoute, veut du précis sur tout ce qui est chiffres et calculs. Ça ferait 90% pour le marché des femmes. Alors, Mathilde, Je dirais que c'est vrai. tu penses que c'est vrai? Donc, comme Léo, fan mystère. Moi, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux, Camille? Moi, je pense que c'est vrai, mais que de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus de produits masculins. Que ce serait en développement, d'accord. Marine, Hello, salut je vous Marine. rejoins. Du coup, bah, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a tellement de produits pour la beauté féminine que je pense que ça peut être vrai que la beauté masculine représente si peu. D'accord. Donc, plutôt d'accord avec Léo, J'avais pas Mathilde. écouté, en fait, je dis faux. Sans complexe, Mathilde. Merci, Mathilde. Et Aude, salut Alors Aude. moi, je dirais vrai aussi. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est assez. Et nous avons Je Louis pense aussi. Qu'en également que penses-tu? c'est assez vrai parce que c'est les cosmétiques sont assez réservés à la femme et à la beauté féminine et très peu pour les hommes. D'accord, donc fan mystère enfin, Alors et même si pour c'est un l'instant, tout petit le monde est pays, plutôt moi j'ai d'accord. entendu qu'en Corée, il y avait une vraie culture de la skincare, etc. Et que même les hommes prennent énormément soin de leur peau. Et que sachant que la cosmétique coréenne, elle est de plus en plus développée, je pense qu'il y a aussi beaucoup de produits pour les hommes. Donc je pense que c'est plus de 10%, mais je sais pas. Donc, j'ai pas entendu la fin. Elle pense que c'est plutôt faux, du coup, c'est ça? Plutôt faux, oui, plutôt plus de Ouais. 10%, quoi. D'accord, ouais. Au vu de la cosmétique asiatique masculine qui se développe. Eh bien, c'était vrai. Donc, bravo Léo et bravo beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup de participer, ça fait plaisir. C'est 10% en 2019. 10% du marché mondial de la beauté était pour tout ce qui est cosmétique masculine. Mais c'est vrai que c'est sans doute une tendance qui va évoluer puisque on voit les hommes font de plus en plus attention à eux, et c'est bien, je pense, pour donner mon avis subjectif. Et toi, tu disais que tu utilises une gamme pour les hommes, mais sinon, tu as plutôt du mal à en trouver ou c'est pas un sujet pour toi? Non, a priori, je fais sans The Ordinary, la marque que j'utilise. Ça reste assez mixte, hein, honnêtement. C'est même plutôt Ouais. de base tourné pour les femmes. Ah, Il en d'accord. existe, voilà. Il en existe pour d'autres produits qui sont un peu tournés pour hommes, mais ça reste une question de marketing souvent. Les produits sont juste un peu plus bleus, les odeurs sont un peu plus fortes, moins douces, moins Ouais. fleuries. Le fond du produit en soi ne change pas vraiment, je crois. D'accord. Mais quand tu vas en grande surface, par exemple, est-ce que tout ce qui est packaging, t'es plutôt attiré par les packagings travaillés pour les hommes ou c'est pas ce qui compte? Bah, c'est une question de prix, oui, d'instinct quand même. Mais oui, c'est pas parce qu'il y a la mention men ou la mention Ouais. ou juste un marketing un peu plus favorable aux hommes Oui. que je tenterai pour 2-3 euros de plus, par exemple. Ouais, d'accord, ok, ouais, je vois. Alors, nous passons à la deuxième question. Face à la tendance des hipsters en 2012, la mode était à la barbe longue. Le marché des rasoirs en avait alors beaucoup souffert. Vrai ou faux, Léo? Je dirais vrai. Tu penses que c'est vrai? Qu'en Je dirais vrai. pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec Léo? Face à la tendance des hipsters en 2012, la mode était à la barbe longue et le marché des rasoirs en a alors beaucoup souffert. C'est vrai que c'est quand même une mode qui perdure d'ailleurs. Hein. En faisant les recherches, j'étais assez surprise d'ailleurs de voir que ça remontait à 2012. Je sais pas pour toi. Pour moi, c'était plus récent que ça. Tout ce qui est tendance hipster. Moi, je l'associe aux vidéos de youtubeurs sur la tendance qui s'en moquaient, etc. Et c'est vrai que c'était le début, il y a quand même pas mal de temps. Donc, D'accord, je ça vois. me fait pas bizarre de me dire que c'est Ça te 2012. choque pas. Ah ouais. Le temps est passé vite dans ma tête, peut-être. Alors, Ouais. Camille. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il y a quand même les contours à faire, donc le rasoir peut être utile. Ah, c'est vrai que ça pourrait être un argument favorable au rasoir, Mathilde. Faux. Tu vas à l'essentiel, Mathilde, c'est bien. Louis? Je suis assez d'accord avec elle. Donc, avec Camille, avec le fait qu'il faut de toute façon utiliser un rasoir et donc que ce serait faux. Donc, toi, tu avais dit vrai, hein, Léo, si je ne me Moi je dis trompe vrai, je pas. sais pas pourquoi. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord avec toi. Et pourtant, Léo, tu avais raison. Le marché du rasoir a été une véritable victime collatérale de cette tendance des barbes et autres moustaches. Il y a eu une chute de 6% des ventes en volume, donc en nombre de produits vendus en 2012. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Camille, depuis, les marques de rasoir ont étoffé leur offre avec des rasoirs notamment permettant de tailler les barbes, etc. Et par la suite, en 2018-2019, à nouveau, les ventes se sont un peu, ont chuté. Et en 2018, par exemple, la rentabilité de Bic a beaucoup reculé. Son activité a subi de plein fouet la concurrence des marques vraiment sur Internet qui se vendent beaucoup. Et du coup, tout ce qui est achat de rasoirs en magasin est en train de beaucoup réduire. Donc là, ça ne joue pas sur le marché global du rasoir, mais c'est une évolution, une mutation un peu du marché voilà, Mais c'est qui vrai que change et qui s'adapte aux consommateurs. Bic fait beaucoup de rasoirs jetables et pas vraiment de Ah rasoirs un peu oui. plus professionnels. Et donc je pense que ouais, c'est vrai que le temps a dû essayer d'aller se développer vers les tailles de barbe, là où Ouais. Bic, ça reste assez basique comme rasoir. Ouais, je vois. Ouais, t'as raison. Oui, donc ils se font passer devant des spécialistes de l'entretien qui vont vraiment, avec tout ce qui est essor des barbeurs et tout ça, maintenant il y a tout un travail à faire autour, quoi. Exactement. Nous avons Yanis qui nous rejoint. Merci Ah, Yanis je de suis te trop joindre. beau, j'en ai marre, c'est trop dur, c'est chiant. Ah bah ouais, je comprends. Ha. Bah Yanis, viens, sois mon invité prochainement pour nous raconter comment tu gères ta beauté si difficile. À supporter apparemment. Camille, vrai ou faux, tu Mon copain penses? me dit que du coup, Philips, pour éviter de, enfin pour rester constant dans leur vente, ont inventé le wine blade, c'est ça? Ouais, le wine blade pour Ah. justement juste les contours. Ah, bah oui, tout à fait, je connais. Tu connais Léo? Oui, je C'est vrai connais qu'il y a très pas bien. mal de C'est vrai que publicité sur j'ai un père celui-là. qui utilise la barbe, il l'utilise en tout Ouais. cas. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah ils ont été obligés de s'adapter à cette nouvelle mouvance. Et Louis? J'ai une question du coup, est-ce que ça englobe uniquement les rasoirs masculins ou les rasoirs masculins et féminins? Ah, bien vu. Tu vois, j'ai pas creusé assez. En tout cas, l'article parlait de la chute des ventes volume des rasoirs suite à cette tendance des hipsters. Donc, je pense que, en fait, si on commençait à creuser, à étudier le marché des rasoirs globalement, il est avant tout peut-être. Il concerne avant tout les hommes, je pense. Après, c'est quelque chose que je vérifierai pour le prochain live. Comment se comporte le marché des rasoirs, puisqu'on disait qu'il y a 10% du marché global des cosmétiques qui est concerné par tout ce qui est pour hommes. Est-ce que sur les rasoirs, les hommes sont prioritaires? Ça, je ne sais pas. J'aurais dit oui comme ça. Donc, je pense que c'était vraiment global parce que c'est avant tout les hommes qui utilisent des rasoirs, mais peut-être que je me trompe. Je vérifierai, Louise. Challenge accepté. On passe à la troisième question. Tu es prêt, Léo? Tu as pour l'instant un Non, sans je suis prêt. faute. Un homme français sur 10 déclare entretenir sa barbe. Ça représenterait jusqu'à environ 3 millions d'hommes du coup. Vrai ou faux, Léo? Je dirais faux, je dirais que c'est plus un Français sur 10 pour la barbe. Il me semble qu'ils sont Ouais. plus à la portée. Je sais pas. Ouais, donc l'entretien de la barbe, c'est assez global. Enfin, pour moi, ça prend aussi. Oui, pour toi, entretenir sa barbe, c'est le fait de retravailler les traits, Ah, etc. C'est ça? l'entretien de la barbe, c'est de prendre soin d'une barbe qui est déexistante. C'est pas de simplement la tailler ou Oui. l'utiliser. Je sais pas ce que C'est ça pas de recouvre. la faire disparaître. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, ce serait de la garder. Visible et pas juste de la raser pour qu'elle soit inexistante. Donc, tu penses que c'est faux et que Oui. c'est plus en Peut-être plus, France ouais. que un Français sur 10. Louis, que nous proposes-tu? Ah, je dirais aussi faux, hein. Je pense que c'est beaucoup plus d'un Français sur 10, largement. Alors, donc vous êtes d'accord, Moi, je Mathilde? dirais faux, je pense que c'est plus que ça. Faux aussi pour Mathilde. Alors moi, je Aude? suis d'accord avec Léo. D'accord. Et Mathilde Je à dis nouveau. 30%. Je sais pas si c'était le chiffre. 30%. Tu vas faire un petit calcul mental, Mathilde. J'ai le chiffre. C'est bien faux. Bravo Léo à nouveau. C'est Merci. 8 millions. 8 millions d'hommes en France qui entretiendraient régulièrement leur barbe, apparemment. Donc, c'est colossal, hein. Maintenant, il faudrait voir. Donc, a priori, il y aurait à peu près 30 millions d'hommes, enfin, de garçons en France, si c'est à peu près moite-moite. Sauf qu'après, dans les 30 millions, il y a tous les enfants qui ne sont pas concernés. Donc là, je n'ai pas du tout idée de la proportion. Mais donc, 8 millions, on peut dire que c'est quand même beaucoup. Et donc, tu as donc 3 sur 3 pour le moment. On continue avec notre quatrième question. Il existe des salons qui proposent des extensions de barbe. Vrai ou faux? Oh oui, je dirais que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? C'est un truc qui te plairait? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'essaye d'en avoir tout court, donc une extension encore moins, mais s'il y a des quitte extensions à pour avoir sauver la une salle, barbe fournie. c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs? Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? Marine? Alors, j'en ai jamais entendu parler, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Donc, tu penses que c'est vrai, J'aurais Camille? tendance à dire faux, mais je pense qu'en vrai c'est possible. Mais je dirais quand même faux. Quand même faux, Louis? Ouh là là, je savais même pas, je pense Mais pas, moi c'est j'en sais peut-être pas rien, vrai. mais ce serait très étrange de proposer des extensions pour la barbe, quoi. Donc Enfin, tu ne serais pas client, Louis. ça doit exister, hein, peut-être. Louis, sur ton avatar, je vois qu'il n'y a pas de barbe apparente, donc toi, tu aurais plutôt tendance à essayer de la masquer. Tu ne fais pas partie des 8 millions de Français qui essayent de l'avoir. Alors, donc, tu n'es peut-être pas la cible. On va voir Allez, si oui, ça je pense existe que ou c'est pas. vrai. Mathilde, Peut-être tu penses que pas c'est aussi en vrai? France aussi. Ouais. Est-ce que mon imagination débordante aurait créé ça de Je dirais que c'est pièce faux, ça me AP? paraît trop improbable et je pense que personne n'aurait envie de faire ça. Eh bien, c'est vrai. Bravo Léo. Il existe bien des salons qui proposent des extensions de barbe. Voilà, donc le but étant de fournir une barbe un peu trop incomplète. C'est aussi pour éventuellement la colorer, figure-toi. Voilà, c'est un style à assumer, quoi, lors d'une occasion, se mettre un peu de couleur dans la barbe. Il y a même des décorations qui existent dans certains de ces salons. Par exemple, les Beard Bubbles, qui consistent en une sorte de boule de Noël que tu accrocherais dans ta barbe pour Ouais, j'ai avoir déjà vu. un look. Tu as déjà vu ça? Bon, bah, tu vois, Oui, j'ai voilà, déjà vu ça. c'est. Ouais, c'est une tendance des hipsters qui arrivent à la Oui. période de Noël. C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. De Bon, goût, je sais pas, mais c'était original. Ouais, pour vraiment une occasion particulière, pourquoi pas quoi. Bon bah je vois que ça a divisé là, personne n'était d'accord sur cette question. Encore deux questions pour un éventuel sans faute de Léo. Je rappelle que le record à battre, c'est un 100% hier par Maman Soso. Là, on était plutôt sur grossesse et beauté, donc c'est complètement différent. Mais on verra si tu arrives toi sur ton domaine entre guillemets de ce soir à remporter le vrai faux dans notre stéréo de beauté imaginée. Alors, vrai ou faux, Léo, Mathilde te fait économiser 18 euros en moyenne si tu allais chez Yves Rocher pour l'épilation de la barbe, mais ça ne prendrait que 20 minutes. Je pense qu'elle a très bien calculé. Moi, je dirais vrai. Je sais pas si elle Tu avait penses envie que c'est vrai? de me faire payer un peu plus que ma contribution de 5 euros. C'est possible. Là, tu as une contribution de 5 euros pour le moment. Oui, en tant que service de groupe, qu'on utilisera sûrement d'autres moyens, mais oui, je note 5 D'accord. euros. C'est pas D'accord. grand-chose. Mais c'est mon Mais indemnité. J'ai droit à un est-ce que. petit Est prix. D'accord. Et puis, c'est pour toutes les brûlures, tu peux enlever 50 centimes par brûlure, du coup. Exactement. Bon, là, à ce moment-là, on arriverait peut-être à zéro, mais je vais pas lui rappeler. Allez, je dis que c'est vrai. Mathilde pense que c'est vrai. Si c'est son chiffre, c'est possible qu'elle ait voulu dire que ce soit faux, Non, finalement. mais en fait, c'est vraiment moi. Elle ne sait pas du tout que j'ai posé cette question. Donc, c'était pour rigoler. Mais Ok. du coup, elle pense que c'est vrai. Et toi aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Bon, après, les gens vont avoir le temps de checker sur Internet. Donc, je vais lever le suspense. C'est carrément 25 euros chez Yves Rocher pour les 20 minutes. Eh bah, ben, oui, mais j'ai un prix Et très bas. Hein. J'ai un prix très bas. ouais. Et du coup, c'est notamment là, c'était le Yves Rocher de Val d'Europe qui propose ça. Et pour info, un salon un peu plus spécialisé peut-être dans l'épilation masculine, etc. C'est BG Factory dans le premier arrondissement de Paris. Je ne sais pas si tu m'entends en écho aussi ou c'est juste moi qui m'entends en écho. Non, non, c'est très bien. Le son est Ok, fonctionne très bien. parfait. Du coup, voilà, BG Factory, lui, va carrément proposer 49 euros l'épilation de la barbe. Donc déjà, chez Yves Rocher, c'est vraiment intéressant par rapport à un salon comme ça, mais qui est très bien positionné dans Paris et qui doit être sans doute très beau, hein. Quelle intervention de Mathilde? Du coup, si c'est vrai, tu me dois 18 euros fois 20, truc comme ça. Bah plus encore Mathilde, je te laisse calculer. Marine. Un petit peu en écho, mais c'est pas dérangeant. Ah. Ok, ouf. Ah, je sais pas. Toi, t'es en haut-parleur, Léo, ou pas? Moi, je suis en haut-parleur. Ouais. Ouais, c'est possible que ce soit pour ça, mais je sais pas. Je vais Mathilde? vérifier. Moi, j'entends un peu en écho, mais du coup, ça vient peut-être de Léo. Ah, vu que toi, tu... Ah, là, je l'entends plus. Ah, si. Léo, t'as tenté quelque chose? Non, j'ai rien tenté du tout. Laisse qu'on m'entende en écho. Bah toi, on ne t'entend pas en écho, mais moi, on m'entendait et là, on ne m'entend plus. Donc, top, super. Alors, du coup, bah, c'est ta première faute, n'est-ce pas? Tu Ma t'es première trompé. fois sur l'émission, ici? Faute, pardon, je voulais dire ta Ah, ma première première faute. faute, oui, c'est ma première Ouais. faute. Oui, Ah, ma première faute. mince. Je l'avoue. Donc, oui, ouais, t'as raison. C'est ce que tu visais. Une dernière question pour savoir si tu auras 5 sur 6 ou 4 sur 6. La meilleure technique pour épiler la barbe, selon les esthéticiennes, est la cire froide par bande. Vrai ou faux? Je sais pas si j'irais faux, peut-être. Tu penses que c'est faux? Je crois que l'écho a un peu repris, mais bon, tant pis. Mathilde? Est-ce que ce serait possible de faire un live sur les échos? Passionnant, passionnant Mathilde. Est-ce que quelqu'un pense différemment que Léo? Toi, tu penses que c'est faux le fait que la meilleure technique pour épiler la barbe selon les esthéticiennes serait la cire froide par bande? Mathilde? Faux, faux et faux. C'est sûr que c'est faux. Je pense que c'est la cire chaude. Tu penses que c'est la cire chaude? Mathilde, si tu te trompes à cette question, je ne pourrai pas te recevoir en tant qu'invitée sur l'épilation. C'est la deuxième fois qu'elle me demande, c'est pour ça. Eh bien, c'était faux. Bien joué, Mathilde. Ah, qu'est-ce qui nous a été proposé? Fan Oui, moi Mystère. aussi je suis d'accord. Pas les bandes, non. Pas les bandes. Et Louis? Alors moi je pense que c'est vrai dans le sens où bah, la cire froide ça va épiler plus facilement je pense à mon sens. Après je ne suis pas expert en épilation donc à toi de nous dire la À voir. réponse. Eh bien, la réponse, c'est que c'est faux. Donc, Léo, tu avais dit... Mince, j'ai oublié, entre J'ai dit temps. faux. Tu as Ouais. dit faux, donc bien joué. Donc c'est bon. En effet, c'est comme le disait Mathilde, bien joué Mathilde, c'est la cire chaude, en fait, qui théoriquement est plus douce pour cette peau fragile et plus efficace au final. Est-ce que tu peux juste essayer d'enlever le haut-parleur juste pour voir si... Parce que là, l'écho a un peu augmenté. Je voudrais juste voir si c'est. Je vois. Alors, est-ce que Là, c'est tu mieux. m'entends? Alors là, je crois. Ah, c'est bizarre cet écho. Petite donc explication sur la cire par rapport à l'épilation de la barbe. La cire chaude, en fait, théoriquement, elle est plus douce pour la peau un peu fragile. Et du coup, elle va être en plus efficace parce qu'elle va bien attraper les poils qui ont en tout cas la longueur suffisante. Et donc, au vu de mes recherches, ce qui est reproché à la cire froide, c'est le risque de laisser quelques poils d'une part et de provoquer des irritations et des rougeurs sur les peaux plus sensibles. Donc, tu vois, ça fait quand même écho, pour redire le mot écho, à ce que vous aviez remarqué avec la cire froide, hein. C'est Ok, donc il y connu avait une pour ça. explication. C'est ça. C'est plutôt le problème majoritaire, alors que la cire chaude serait plus adaptée. Et on avait ensemble, en parlant de cette émission, évoqué la cire orientale. Figure-toi que j'ai rien trouvé sur Internet proposant ou incitant à utiliser cette technique pour la barbe. Donc, vous seriez peut-être pionnier. Je voulais du coup faire un petit point sur la cire orientale parce que tout le monde peut l'essayer chez soi en ces temps de confinement où on doit se débrouiller un peu tout seul avec les instituts fermés. Ça peut être pratique. Sachez que pour réaliser votre cire orientale, vous pouvez le faire chez vous. Dans une casserole, vous pouvez donc mettre 2 verres de sucre en poudre, un demi-verre d'eau, le jus pardon d'un demi-citron et 2 cuillères à soupe de miel. Vous faites chauffer tout ça à feu doux. Vous obtenez une pâte assez collante à la couleur dorée. Vous la laissez un peu refroidir. Vous malaxez la pâte pour créer une boule de taille moyenne et pas brûlante hein, pour éviter toute brûlure. Et ensuite, vous étalez par petites bandes sur la peau avec une main et hop, vous tirez ensuite en tenant bien le tissu avec l'autre main. Et l'avantage de cette technique, c'est que le sucre a des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Le citron, de son côté, est purifiant et le miel est adoucissant. Donc, tout ça va permettre quand même enfin, une peau assez douce et éviter les points incarnés. Et ça a une action gommante aussi sur la peau qui sera à corée plus douce. Donc, pourquoi pas à tenter après la cire chaude? C'est votre prochain défi aussi. On va vraiment essayer et je tiendrai au courant si ça fonctionne ou ça Ouais, fonctionne pas. ah ouais, avec plaisir. Alors, Louis? Alors moi j'ai aussi une question concernant l'épilation du coup de la barbe. Est-ce que l'épilation par exemple qui se fait au fil pour les sourcils peut se faire Ah. également pour la barbe? Je ne sais pas si ça se fait et du coup j'aurais aimé savoir si c'est une éventualité qu'on peut utiliser pour l'épilation de la barbe. Bonne question, Louis. Moi, ce que je sais de l'épilation au fil, c'est que elle va quand même agir, si on peut dire, comme une pince à épiler, même si du coup elle va être plus rapide, si je comprends bien, et du coup très adaptée aux sourcils. Mais donc, si tu es prêt à faire du quasi poil par poil, même si c'est un peu plus rapide, pour moi, il n'y a aucun souci à faire ça. C'est juste que par rapport à la cire qui va quand même attraper une grande zone de poil, tu vas être là pour le coup un petit peu plus lent. Et en termes de douleur, je ne sais pas si un auditeur a déjà tenté, je ne sais pas si ça sera encore plus douloureux ou pas. Et surtout, il faut une sacrée technique. J'ai pas vu de proposition de prestation épilation barbe au fil lors de mes recherches. Donc, je Alors, sais pas si c'est. je vais pas dire de Ouais? bêtises, mais l'épilation au fil, il me semble que ça marche pas vraiment pour la barbe, mais ça marche pour les contours de D'accord. barbe. Donc, les barbiers utilisent ça Ah. pour faire le tour de barbe bien fourni. Donc, je pense que ça suffit pas à enlever une grande quantité de poils, mais pour les D'accord. sourcils comme pour les contours de barbe, là où il reste plus grand-chose, je pense que en tout Quand cas, c'est déjà utilisé. c'est plutôt fin, c'est ça? Bah, en tout cas, oui, pour les zones en tout cas pas très denses, quand ils font les contours D'accord. de poils au fil. C'est parce qu'il n'en reste pas grand, il en reste pas beaucoup. D'accord. Ah ouais, ok, intéressant. Donc les barbiers utilisent ça déjà pour parfaire, en fait, pour faire les finitions. Exactement, ouais. D'accord. Ok. Donc alors là, par contre, ouais, Mathilde, il va falloir un peu de boulot. Je crois que c'est quand même une sacrée technique à appréhender, mais bon. C'est un défi. Bah, d'ailleurs, Mathilde intervient Est-ce aussi. que Alice, tu pourras me repartager le moment où tu dis la recette pour que j'essaye, s'il te plaît? Bah, avec plaisir, Mathilde, je vais partager ce moment-là sur Instagram tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez vous essayer à la cire orientale. Pour info, pour ce vrai-faux, donc à l'issue duquel Léo obtient la belle note de 5 sur 6, j'ai utilisé plusieurs sources, Les Échos, l'hommetendance.fr, BG Institut, unrasageparfait.fr. Et c'est bientôt la fin de notre live stéréo de beauté imaginée. Chers auditeurs, si vous avez quelques questions pour finir à poser à Léo, c'est le moment. Léo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aurais une idée d'un thème à aborder dans mes prochaines 3 belles minutes scientifiques mercredi avec Marine? Est-ce qu'il y a par exemple un mécanisme de cosmétique, une réaction de la peau ou quelque chose comme ça que tu aimerais mieux connaître, mieux comprendre? Bon, personnellement, les rougeurs, comment on fait pour les faire disparaître? Il y a des cicatrices de boutons, des trucs comme ça qui restent souvent pendant longtemps. D'accord. Et comment Ah ça se ouais. fait que ça reste? Est-ce qu'il y a des produits qui permettent de l'enlever ou des trucs comme ça? D'accord. Le côté rougeur, à quoi c'est dû, scientifiquement parlant, entre guillemets? Pourquoi la peau marque et est-ce qu'il y a des astuces du coup? Ok. Exactement. Très intéressant. Eh bien, Je pense que c'est tout pour aujourd'hui dans Beauté Imaginée. Merci beaucoup Léo de m'avoir accompagné et répondu. Avec plaisir. Merci encore pour ce joli logo que j'adore vraiment. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé mon bel invité. Si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée à poser à mon invité, n'hésitez pas à me le proposer. Et si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram beauté imaginée avec le tiret du 8 entre le beauté et le imaginé. Nous avons une intervention. Alors Louis. Merci à vous, c'était un super live et à très bientôt. Merci beaucoup Louis, merci de ta participation, ça fait trop plaisir. Mathilde, merci aussi beaucoup Mathilde, très, très fidèle. Intéressant, j'ai bien aimé le thème et c'était très dynamique avec tous les participants. Totalement, je suis d'accord, ça met beaucoup de vie au live, c'est vraiment sympa, je ne sais pas ce que toi Léo t'en as pensé. Oui, c'est très agréable de savoir que les gens avaient des avis sur même des filles, sur l'épilation masculine, et parce que finalement, ah, oui. Elles connaissent peut-être même un peu plus que nous, par expérience. Ah oui, ouais, je vois, en transposant ce qu'elles ont pu faire sur elles-mêmes, fan mystère. Ouais, c'était vraiment chouette, c'est la première fois que je viens et j'ai vraiment bien aimé, ah. Donc voilà. Merci fan mystère et merci Camille. Merci beaucoup, j'ai vraiment adoré le thème et du coup, bonne soirée. Merci Camille, bonne soirée. Et Camille sera mon invitée vendredi prochain d'ailleurs. Et bien du coup, on se retrouve mercredi prochain à 20h45 avec ma prochaine invitée Marine pour un live sur le thème de l'impact du stress sur la beauté. À bientôt pour un prochain live sur Stéréo de Beauté Imaginée. Merci Léo, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Ah, nous avons une dernière intervention. Camille, est-ce que du coup tu vas épiler ton copain ou il n'est pas prêt? Est-ce que Camille est déjà partie pour répondre à ça? Je ne sais pas. On laisse encore quelques secondes, mais c'est possible que ton intervention ait eu lieu un peu trop tard, Mathilde. C'est vrai que c'est un sacré cap, hein, je pense, à passer. Alors, hop. Camille. Alors, l'épilation, je ne pense pas qu'il a l'air chaud vu la tête qu'il fait actuellement. Non, il faudra attendre quelques années que ça devienne vraiment un incontournable, peut-être. Peut-être qu'un jour, ce sera une tendance hein, d'avoir vraiment plus du tout de barbe et que tout le monde soit un peu imberbe, comme on disait. Mais pour l'instant, c'est plutôt, au vu des données qu'on a eues, des 8 millions de personnes qui entretiennent leur barbe, on est plutôt à la mode de la barbe. Quand même assez visible et tout, donc à voir, on va voir. Merci tout le monde, à bientôt.